Chapitre 10e. Un tour chez les Camées. Une énorme face chocolat plane au-dessus de lui. Cette face, bien que gigantesque, est à des années-lumière de lui. Ses propres mains sont aussi grosses que la tête qu'il a en face, de même que ses lèvres. Tout autour de lui est d'une taille colossale et il sent qu'il va être écrasé, comme un fétu de paille par le plafond qui pourtant est tout près de sa tête. Une voix insupportable se met à sortir de la face chocolat, d'une force proportionnelle à la taille. C'est la fin. Sa tête va éclater. La voix lui explose littéralement les tympans, si bien qu'il ne comprend absolument rien de ce qu'elle lui crie. Petit à petit, ses mains reprennent progressivement une taille normale. Tant mieux, parce qu'il commençait à paniquer. Et la voix continue à hurler « Zézé, mon petit, ça y est, c'est fini !» Cette fois, il a reconnu la voix de sa mère. Et la grande face chocolat, c'est la sienne. La pièce reprend des proportions acceptables, mais tout à coup, sa jambe vient d'être changée en plomb fondu, lourde et brûlante. « Putain, j'ai mal, maman !» Ça va, le vocabulaire revient. La cervelle recommence à fonctionner. Madame Mantatana Ribé se met à houspiller l'infirmière de service. Manque de bol, la mère est tombée sur une martiniquaise galonnée, imbue de ses fonctions et qui n'entend pas se faire bousculer de la sorte. « Non mais madame, où vous croyez là? Vous pourriez au moins être poli? Non ?» Non mais madame, où vous vous croyez là? Vous pouvez au moins être poli? On s'en occupe de votre fils. Il n'est pas tout seul dans le service. C'est normal qu'il ait mal. Mais ça va pas durer. On lui injecte un antalgique contre la douleur. Et vous voulez croire à la solidarité des gens de couleur? Des clous, oui. La mère s'écrase et l'émotion la fait virer au gris foncé. Sur ces entrefaites, le chirurgien qui a opéré passe, de retour du bloc, sa journée finie. « Alors, comment ça va ?»« Ça s'est très bien passé. Dans 2 jours ou plus tard, tu es dehors, Gary. »« Tiens, le monsieur dans lequel tu t'es emplafonné a téléphoné pour prendre tes nouvelles. Il viendra te voir demain. Tu vois comment prend soin de toi ?» Rassurée, Madame Zézé-mère prend congé pour aller s'occuper des autres frères et sœurs de Zézé. Son mari ne viendra pas, bien trop occupé à regarder la télé et à conserver la forme de son corps dans le canapé. Vers 6h30, une femme discrète en blouse rose vient poser devant Zé une tasse d'eau chaude jaunâtre flanquée d'une biscotte. « Putain, c'est ça qu'on mange ?» s'exclame le Zé. « Ce soir, oui. Demain, vous aurez droit à un vrai repas. » Peu après, la porte s'ouvre sur une personne, sac en cuir en bandoulière, queue de cheval, un kleenex sur la bouche, une trentaine d'années. « Ah, sauveur, t'y es venu ? Je savais que tu me laisserais pas tomber. Putain, j'ai une faim de chien, t'as rien à bouffer ?»« Ouais, t'inquiète. » « Je te donnerai quelque chose tout à l'heure, » fait Sauveur, en s'asseyant au bord du lit. « Tu as vu, Sauveur, j'ai fait le boulot. Bon, d'accord, j'ai merdé sur la fin, mais ça compte pas. Il restait rien debout dans l'appart. J'ai même décellé les tuyaux. Son appart, il peut plus l'habiter. »« je sais, je me suis renseigné. Il y a juste un détail que tu ne sais pas. C'est que la mini que tu as encadrée, c'est justement celle du mec dont tu as détruit l'appart. »« Putain, c'est pas vrai, Sauveur. » »« Eh oui, malheureusement. » « Mais tu sais que ce mec vient me voir demain matin ? Ça craint. Au fait, je sais pas ce que j'ai fait de la pince, monseigneur. En tout cas, elle m'a fait un trou dans le buffet quand j'ai dû m'encastrer dans la mini. »« Je sais que la pince, monseigneur, a disparu. C'est embêtant tout ça, tu ne trouves pas ?» Suit un blanc pendant lequel on entend les lointaines sonneries d'appel dans les chambres, quelques cris et les interpellations des infirmières. Sauveur lisse sa moustache à l'agent Ferrat en détaillant Zé des pieds à la tête. Quelle carcasse ! Et dire que toute cette viande ne sert pas à grand-chose. C'est désespérant, se dit Sauveur. Tiens, je vais te filer quelque chose pour que tu te sentes bien. Sauveur sort de son sac une petite trousse en plastique qu'il pose sur le lit. Il faut dire que le rôle de Sauveur est assez particulier. Il a initié plusieurs jeunes du quartier à la coke, non pas pour qu'ils deviennent dépendants de la drogue, mais pour qu'ils deviennent dépendants de lui, Sauveur. Il leur distille le posant gratos par dose savamment calculée, pour qu'ils reviennent vers lui en cas de besoin et non pas qu'ils tombent dans les mains de n'importe quel dealer. Il leur dit d'ailleurs, « Si j'apprends que t'as été voir quelqu'un d'autre, t'es mort. Moi, je te donne la première qualité, alors t'as pas besoin d'aller lâcher de la thune pour de la merde, c'est clair. Contente-toi de ce que je te donne gratos, c'est largement suffisant. » C'est ce qu'on appelle se faire manger dans la main, comme font les vieilles avec les pigeons. Il entrebâille la porte pour s'assurer que personne n'arrive. Plus de sécurité, il actionne le bouton rouge, malade en soin, pour être tranquille. Puis il sort de la trousse une seringue et pique Zé au creux du bras. « Tu vas voir, c'est du velours. Demain, tu vas te réveiller avec une pêche d'enfer. T'inquiète, mon Zézé, tout baigne. » Petit à petit, les pupilles de Zeus s'agrandissent et son visage prend une expression extatique. Sauveur emballe son matos, jette un coup d'œil dans le couloir et se faufile doucement vers l'ascenseur, le kleenex sur le nez, la queue de cheval agressive. Il est 20 heures. Les derniers visiteurs quittent l'hôpital. La nuit peut commencer avec ses angoisses, ses souffrances et ses délivrances. La nuit a été un peu mouvementée, disons sportive, avec forte perte de calories. Gigi m'a montré des trucs que je ne connaissais pas et dont je ne veux pas pouvoir désormais me passer. J'arrive donc à l'hôpital Nord, un peu dans le Coaltard, au volant de la voiture de Mimille. Je m'oriente grâce au panneau pour ne pas me gourer d'ascenseur. J'enfile le couloir sous le regard peu amène du personnel qui n'aime pas être dérangé le matin. Et je finis par taper discrètement à la porte de la chambre 402. J'entr'ouvre, passant prudemment la tête, mais je ne peux déranger personne puisque la chambre est vide. J'ai dû me planter dans le numéro. Une forte femme entre brutalement dans la pièce, les draps sous le bras. « Vous êtes entrant ?» me fait-elle sans ménagement. « Non, je venais voir quelqu'un qui devait être dans cette chambre, mais j'ai dû me tromper. Comment il s'appelait ce quelqu'un ? Zéphirin Anta quelque chose. Je n'ai pas réussi à retenir le reste. » La femme jette les draps sous le lit et écarte ses deux poings sur les hanches. « Mais vous n'êtes pas au courant ?»« Si vous voulez le voir, votre Zéphirin, il faut aller au sous-sol, au reposoir. Il est mort cette nuit. Ça fait un pataquès terrible dans le service. » L'équipe de nuit est dans la mouise, si vous me permettez. D'un coup, toute la haine que j'avais à l'encontre de ce jeune s'évanouit. C'est toujours triste de voir partir une jeune vie. J'avais presque oublié. Il a fait une hémorragie interne. Ah, moi, je peux rien vous dire. Allez vous renseigner au bureau des infirmières. C'est ce que je fais aussi sec, après avoir repéré le panneau dans le couloir. J'explique rapidement mon cas à une infirmière qui me paraît être la chef, vu son âge. Zéphirin est mort de la nuit et le professeur a demandé une autopsie, parce que le patient ne présentait hier soir aucun signe alarmant. Il aurait même pu sortir dans la journée d'aujourd'hui. Mais de quoi est-il mort ? Bah écoutez, comme vous êtes de la police, de toute façon vous le saurez. Il y a presque 99% de chances que ce soit d'une overdose. Et une gratinée, s'il vous plaît. On n'a rien pu faire. En ce moment, on fait des analyses pour affiner le diagnostic. Mais vous avez alerté. Ne vous inquiétez pas. On attend vos collègues d'une minute à l'autre. L'hôpital a porté plainte pour homicide, bien entendu, car vous pensez bien qu'on n'a pas l'habitude de soigner nos malades à coups de coque. La morphine, ça nous suffit bien. De toute façon, il est exclu que ce soit quelqu'un du service qui lui ait injecté une pareille dose. D'abord, il faudrait qu'on en ait de la coque, et je ne vois pas où je pourrais en trouver dans le service. Quant à ses affaires, il n'y avait rien dedans qui lui aurait permis de se piquer lui-même. Eh ben voilà, je suis encore au fait, et j'arrive trop tard. Pour ne pas rester sur ma faim, j'essaie de tirer le maximum de l'infirmière-chef. Il n'a pas reçu de visite ? Si, sa mère est venue le voir, et hier soir, vers 8 heures, l'infirmière de service a vu sortir une femme de chambre. À mon avis, ce ne peut être qu'elle. À la place de la police, je suivrai cette piste. Votre collègue a pu vous donner un signalement ? Vague, une brune avec une queue de cheval, une chemise longue type indien comme en portent les hippies et un sac en cuir en bandoulière. Des sabots aussi, je crois. Ce n'est pas si vague que ça, finalement. L'âge ? Oh, pour s'habiller comme ça, ça ne devait pas être une femme âgée. Bon, ce n'est pas si mal, surtout d'avoir obtenu le signalement alors que je ne fais même pas partie de l'enquête. De retour à Carreau, je raconte tout à Gigi qui déplore, comme moi, la mort d'un jeune, même si c'était un voyou. Je passe le restant de l'après-midi à mettre de l'ordre dans le bar et à donner un coup de torchon. Il faut bien que je gagne ma pitance. Vers le soir, je vais faire un petit tour autour du port avec Marcel. J'aime bien sa compagnie. Il ne parle qu'à bon escient et à mot compté. C'est reposant et confortable pour la conversation. Je n'ai toujours pas fumé, mais personne ne l'a encore remarqué. Pendant le dîner que nous prenons en amoureux, Gigi me décide à faire les boutiques du centre commercial de plan de campagne pour me relooker des pieds à la tête. Le lendemain matin, après avoir confié le bar à Marcel, nous fonçons sur l'autoroute Nord à la vitesse fantastique de la 4L de Gigi. Nous commençons à enfiler les boutiques les unes après les autres. À chaque essayage, Gigi se répand en exclamation. « Qu'est-ce que ça te va bien ? Tu es beau comme ça ? Ah oui, oh, la classe !» Mon compte en banque pousse des cris d'agonie étouffés par la couverture du carnet de chèques. 2 heures plus tard, j'ai troqué mon look de hippie gaucho contre celui de cadre branché et responsable. Costard cintré, chemise à grand col, cravate à gros nœuds, mocassin extra souple à l'italienne, bottines et tout le toutim. Gigi me regarde avec ses yeux brillants de plaisir. Dans la voiture, elle finit par me dire « Comme ça au moins tu ressembles à quelque chose. »« Tu n'es pas fait pour le look hippie, ça c'est bon pour ceux qui sont mal foutus Et puis tu me feras le plaisir de reprendre tes lunettes d'avant, ces montures de grand-mère en fer blanc que t'as, c'est pas le top. » J'engrange la satisfaction et cela m'aide à faire passer l'addition. Si au moins je pouvais récupérer quelques ronds des assurances, ça serait pas mal. 8 heures du matin, la belle caille rentre au port. Depuis que le Santa Cruz a sauté, le palangrier a bizarrement modifié ses horaires de pêche. Les balais des casiers se déroulent comme d'habitude, un dessus, un dessous, et ils prennent place à l'arrière de la deuche camionnette. Le chauffeur, un brave mec d'âge avancé avec un bob pourri sur la tête, fait un salut de la main, puis quitte le port, au volant de sa bagnole qui cahote et tout saute. Pas très loin derrière, une estafette Renault démarre dans la même direction. Bernabeu, Séraphin, plomberie, chauffage, électricité. Des tubes PVC sont soigneusement rimés sur le toit. La douche s'arrête à la poissonnerie de Sausset, livre un casier puis repart. L'estafette est toujours derrière à plus d'une centaine de mètres. Arrivée près de Carry, la douche aux camionnettes s'engage dans un lotissement de luxueuses demeures pour s'arrêter finalement au bout d'une impasse droite et déserte devant une villa cossue. L'estafette a continué sa route sur l'artère principale. Le conducteur de la douche descend et scrute la rue comme s'il prenait le vent. Deux hommes sortent alors du portail de la villa et sans rien dire délaissent la douche de ses casiers. L'homme au mob crasseux les suit à l'intérieur. Juste à ce moment, l'estafette vient se garer en marche arrière à l'angle de la rue, au bord de la voie principale. Les trottoirs sont déserts. Beaucoup de villas sont fermées et inoccupées. Un cabriolet lancien enfile alors la rue, passe devant l'estafette dont le poste de conduite est vide et va se garer derrière la douche. Tchic, tchic, tchic. À l'arrière de l'estafette, le moteur d'une icône travaille à plein. Le cul sur un rouleau de cuivre de 16 mm, à travers les lettres peintes sur la vitre arrière, l'homme joue le paparazzo avec un plaisir jouissif. Au bout d'un moment, l'homme au bob sale ressort, suivi des deux qui l'avaient accueilli. Tchic, tchic, tchic. Le Nikon chauffe encore. Un des deux hommes avise alors l'estafette garée à une centaine de mètres. Il descend l'impasse en direction du véhicule, visiblement intrigué. Par la vitre arrière, il scrute l'intérieur du véhicule. Des rouleaux de tubes de cuivre, des bonbonnes de gaz, un fouillis de bobines de fil, du matériel sous une vieille bâche. Dans la cabine, des carnets, des chiffons, des grosses pinces qui traînent par terre. L'homme fait un essai d'ouverture des portes, mais elles sont toutes fermées à clé. Rassuré, il remonte tranquillement l'impasse, après avoir allumé une clope. Les deux hommes réintègrent la villa, et la douche repart après un demi-tour. 2 secondes plus tard, comme si elle avait un pilote automatique, l'estafette démarre et quitte l'impasse dans la direction prise par la camionnette Citroën. Le mobob finit par s'arrêter devant une maison branlante en Suisse. Lentement, l'estafette Renault quitte le village et prend la direction de Martigues. Séraphin Bernabeu est l'homme qui a toujours joué pour moi le rôle d'oncle ou de parrain. Tout gamin, je passais tous les jours devant son atelier au boulevard Rodeau. De ses mains, je voyais sortir des serpentins, des espèces de lyres et surtout, j'étais fasciné par le plomb fondu qui soudait les récipients de zinc. Séraphin était un des seuls adultes qui m'adressait la parole, à part bien sûr ma grand-mère et mon instituteur. Très vite, je lui confiai mes secrets. Il me raconta ses peines, sa dure captivité en Allemagne. Il me prit en affection et il fut là. À chaque Noël, à ma communion, à mon départ et à mon retour d'Algérie, à mon mariage, à l'enterrement de ma femme et de mon fils. À la mort de son patron, il mit ses maigres économies dans cet atelier de plomberie électricité à Martigues. Son bateau est à 2 pas de sa maison et il mène enfin la vie dont il a toujours rêvé. Quand je fus nommé commissaire, il exultait et le raconta tout le quartier. Il ne sait rien me refuser et m'a fait son légataire universel. Je l'aime réellement comme un oncle. Là, je vais lui rendre son estafette, sa Teresina comme il l'appelle, qu'il m'a prêtée. Alors, Gino, elle a bien marché, ma Teresina? Ouais, impec. Mais pour un faux plombier, j'ai failli me faire plomber. Il y en a un qui s'est avisé de venir voir ce qu'il y avait dans ta camionnette. Heureusement que j'avais pris la précaution de fermer toutes les portes, sinon j'étais fait comme un rat. Je me suis planqué sur la bâche et j'avais le Beretta après, au cas où. Mais ça aurait fait du bruit dans le quartier, je te dis pas. Et s'il m'avait coursé, comme ton estafette n'est pas une Ferrari, j'étais bon pour le cimetière Saint-Pierre. Dis, tu permets que je passe un coup de fil? Ça urge. Je téléphone au SRPJ et demande le commissaire Michaud ou un de ses collaborateurs. Je tombe finalement sur ce banc et je lui explique le topo. Il faut faire vite. Ces mecs-là, des fois, ils lèvent l'ancre sans crier gare. Croyez-vous d'obtenir une commission rogatoire pour effectuer une perquise de toute urgence? Avec un peu de bol, on peut serrer la presque totalité de la bande. Capisce, ce banc. Remets-toi, c'est important. D'accord, patron, je vais faire ce que je peux. Tiens, il m'appelait patron, comme avant. Aurais-je été particulièrement convaincant ou est-ce qu'il n'a pas réalisé ce qu'il disait dans le feu de l'action? Ce banc, mon ami, ce n'est pas fini. Il faudrait que tu me dégodes le propriétaire d'un cabriolet Lancia. Je lui fournis le numéro d'immatriculation et la couleur du véhicule. Vers 11 h, Serge me téléphone au moment où j'allais partir de chez mon parrain. Pour la commission rogatoire, c'est comme si c'était fait, et le juge a souligné qu'il fallait me faire confiance, me dit Serge. Le mieux, Serge, serait que vous teniez tous prêts. Demain, si le manège recommence, je t'appelle dès que les deux je pars du port et vous les cueillerez coulos, une fois qu'ils sont tous au nid. Il y a des bruits qui courent, Gino. Il se pourrait que tu réintègres plus rapidement que ce que tu ne pensais. Je crois que tu vas recevoir une convoque du Dirlo. Eh ben voilà, ça tombe à pic, parce que mon compte en banque commence à prendre des allures de fantôme. Ah, et puis j'ai le propriétaire de Talencia, me dit Serge. C'est un nommé Mario Costanza, et il habite une villa rue des Lauriers à Cari. Est-ce que tu aurais eu le trait de génie de chercher s'il est fiché? Mais bien sûr, mon pote, inconnu au bataillon, il n'a pas de casier. Bon, eh bien avec le cacou à la chemise noire, nous ne sommes plus des inconnus l'un pour l'autre.